Difficile de savoir ce que l'on veut faire plus tard lorsque l'on est au collège ou au lycée. J'aimais pas du tout l'école, c'était pas mon truc. Mais on oublie souvent que la vie est faite de choix, de décisions qui vous marquent. Je décide de partir en Australie. Il y a des opales, des saphirs, il doit bien y avoir un peu de métier pour moi. Et qui vous construisent. Quand on a quelque chose en tête, il faut aller au bout. Retrouvez ces parcours exceptionnels en podcast sur toutes les plateformes de streaming et découvrez tous les métiers de la joaillerie sur le site demainsenmain.vanclefharpels.com. Nous lui courons après ou cherchons à le passer, voire à le tuer. Nous l'avons, nous le perdons, le temps. Le temps nous échappe sans cesse malgré tous les moyens inventés au fil des siècles pour tenter de le circonscrire et de lui donner une existence physique. Mais pourquoi chercher à mesurer le temps? Comment cette mesure a-t-elle évolué du cadran solaire à l'horloge atomique? Et qu'est-ce que la mathématisation du temps a apporté à la vie de l'humanité, aussi bien en matière d'organisation sociale que d'avancée scientifique? Si vous avez une heure devant vous, asseyez-vous, on vous raconte aujourd'hui une histoire scientifique et philosophique à la mesure de ce temps fugace que Saint-Augustin considérait à juste titre comme une évidence énigmatique. Mesure du temps, l'histoire sans fin, c'est la question atemporelle qui est la nôtre pour l'heure, les 60 minutes, les 3600 secondes qui viennent, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remettre les pendules à l'heure sur cette histoire du temps, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en philosophie et directrice du département de philosophie de l'université de Reims. Vous êtes par ailleurs autrice du livre « Le temps, la plus commune des fictions » au PUF. Avec nous également Denis Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences à Universcience, chercheur associé au laboratoire système de référence temps-espace, le CIRT, de l'Observatoire de Paris PSL. Vous allez faire paraître, je le rappelle, aux éditions des Belles Lettres, le 3 décembre 2021, le livre « Une histoire des cadrans solaires en Occident, la gnomonique, je vais y arriver, du Moyen-Âge au XXe siècle ». Et enfin, bonjour Sébastien Bise. Bonjour. Vous êtes chercheur en métrologie au CNRS et vous êtes également membre du laboratoire CIRT. Mais avant d'entamer notre discussion autour de l'histoire du temps, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour suspend le vol du temps pour vous livrer un instantané de culture scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature. Pour la première fois, les chercheurs ont séquencé l'ADN d'un embryon humain à ses tout premiers stades. Oui, juste après l'implantation d'un embryon. Un embryon de 16 jours. Une jeune femme s'est rendue immédiatement en clinique, dès le premier jour de retard de règles, pour une IVG. Puis elle a fait un don à ses chercheurs britanniques. Alors c'est très rare d'obtenir des embryons à ce stade, qui s'appelle la gastrulation, qui commence au 14e jour du cycle cellulaire. En embryologie humaine, on parle même de cette étape comme d'une boîte noire. On a évidemment des images de ces embryons de 1 ou 2 mm, mais ici, pour la première fois, les chercheurs ont récupéré toutes les données génétiques de cette gastrula. On ne l'avait fait que sur des souris et des poulets. Cette étude donne un éclairage sur ce moment où les cellules souches humaines commencent à se spécialiser. Vincent Fleury est biophysicien et directeur de recherche CNRS. Il travaille sur la biologie du développement. Donc d'habitude, quand on fait de la science, on fait beaucoup d'essais, beaucoup d'expériences, beaucoup d'échantillons. Alors, c'est un article un peu exceptionnel dans la mesure où ils ont eu accès à un échantillon unique d'embryon humain compte tenu de toutes les règles éthiques de consentement et de la difficulté aussi d'obtenir des embryons à des stades précis. Et ils ont analysé à fond la génétique de la transcriptomique de cet embryon, c'est-à-dire les ARN, quelque chose comme l'information qui est dans les cellules. Et donc, ils ont analysé des milliers de gènes dans des milliers de cellules de cet unique embryon. Et donc, ils ont généré une masse colossale d'informations génétiques qui portent essentiellement sur les stades de différenciation auxquels se trouvent les différents types de cellules qui vont donner un certain nombre de tissus qui sont dans un stade de différenciation qui va les amener à devenir certaines parties de l'organisme beaucoup plus tard. Donc on peut déjà reconnaître les types cellulaires et suivre un peu leur devenir. Et donc chaque type cellulaire est caractérisé par le fait qu'à un instant donné, il exprime plutôt tel gène ou plutôt tel gène, et ce qui va différencier une cellule de peau d'une cellule de nerf, de poil. Donc là, dans une blastula qui est à ce stade très précoce de division, il y a quelques milliers de cellules, on n'avait jamais extrait, disons, la quasi-totalité des gènes exprimés dans un embryon à ce stade-là. C'est une information colossale. Alors oui, on peut savoir qu'il y a des cellules différenciées, donc ça veut dire que les cellules souches de certains tissus commencent à se différencier des cellules souches d'autres tissus. On voit que les cellules progénitrices germinales sont déjà en train de se différencier. On apprend que c'est pas tout à fait au même rythme qu'une souris. C'est beaucoup d'informations, mais c'est pas forcément beaucoup de science. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez aussi réécouter ce journal et l'émission en entier sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Une étude parue dans Science Translational Medicine présente les prémices d'un vaccin anti-tique. Et les tiques, par leur morsure et leur salive, qui contiennent des bactéries, provoquent de nombreuses maladies. La maladie de Lyme, mais aussi l'anaplosmose et la babésiose. Une équipe américaine a conçu un vaccin à ARN messager qui apprend au système immunitaire à reconnaître 19 protéines présentes dans la salive des tiques. Testés sur des animaux, exposés et mordus, seuls les animaux vaccinés n'ont pas été infectés, tandis que la moitié des animaux non vaccinés ont tous été infectés. Avec le vaccin, les tiques se détachent peu de temps après avoir mordu, donc sans transmettre d'agents pathogènes. De plus, le vaccin induit une réaction cutanée pour pouvoir retirer la tique rapidement. Les chercheurs espèrent mener des essais cliniques sur l'humain. En bref toujours, une étude parue hier dans la revue Nature décrit la création d'une nouvelle génération de propulseurs pour les satellites. Oui, actuellement, les systèmes de propulsion de satellites sont alimentés au xénon, un gaz rare qui doit être stocké sous haute pression et qui coûte très cher. Une équipe internationale a lancé en novembre 2020 de mini-satellites alimentés non plus avec du xénon, mais avec pour la première fois de l'iode. Une série de petites manœuvres ont été réussies avec succès et avec les mêmes capacités énergétiques que des propulseurs traditionnels. L'avantage, c'est que l'iode est moins cher, plus durable, plus dense et facile à stocker, et que cela permet de créer des systèmes plus petits. Selon ce papier, cette nouvelle technologie ouvre la voie à une exploration spatiale plus durable. Et enfin, selon une étude parue dans Science, le secret de la longévité se cache peut-être dans le génome des sébastes. Ces poissons qui vivent dans le nord de l'océan Pacifique peuvent vivre, selon les espèces, de 11 à plus de 200 ans. Des chercheurs américains ont séquencé l'ADN de 88 espèces de sébastes. Leurs résultats offrent de nouvelles pistes génétiques pour comprendre comment prolonger la durée de vie. Les auteurs ont démasqué les moteurs génétiques de l'évolution de la longévité, des gènes impliqués dans la réparation de l'ADN et de l'immunité. Un ensemble de gènes, appelé butyrophiline, déjà connu pour influencer de nombreuses maladies inflammatoires, pourrait participer à cette longévité extrême. L'inflammation peut moduler le processus de vieillissement chez ces poissons. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Une vie sans horloge nous est inconcevable. Nous sommes habitués à entendre battre et sonner les pendules, à porter des montres, à voir des horloges partout où nous nous trouvons. Des appareils qui vont de la grosseur d'un pois chiche à celle des énormes horloges des clochers. Le temps semble se resserrer, gagner en valeur là où elle s'accumule, dans les capitales, aux aéroports, à l'entrée des gares. Nous mesurons le monde par leur évolution temporelle, du cosmos à l'atome, et comprenons sous cette mesure aussi bien ces dimensions d'années-lumière que cette vibration insaisissable que seules des formules mathématiques peuvent encore définir. Ambiance tropicale pour commencer cette émission avec un extrait des Nuits magnétiques de France Culture de 1990 pour nous mettre un petit peu dans le bain de la complexité de notre thème du jour, la mesure du temps. On va retourner à la Genèse puisqu'il faut faire un petit peu une généalogie du temps dans cette émission, Véronique Leroux. Est-ce qu'on peut dire que l'humanité s'est constituée, entre autres choses, autour de cette nécessité de mesurer le temps ? Alors je dirais peut-être pas la nécessité de mesurer le temps, mais la nécessité de prendre des repères et de mesurer alors ce qui était à l'origine des processus uniformes. On avait au départ les lunaisons comme point de repère, l'année, les saisons qui passaient, l'année, et au fond c'est prendre un processus uniforme comme étalon pour mesurer d'autres processus. Et ça, on en avait besoin pour cueillir les fruits au moment où il fallait, pour chasser le gibier au moment où il passait, etc. etc. Donc, dans l'histoire de l'humanité, où ça fait que 10% depuis 200 000 ans que Homo sapiens est là, 10% seulement qu'il y a des temps historiques, dans les temps préhistoriques, on avait besoin de ces boussoles. Et donc, le repère dans la durée était aussi important que le repère dans les distances ou dans l'espace. Denis Savoie, vous êtes astronome, le temps vous appartenait, il vous a échappé ? Malheureusement, à cause de la Terre, il nous a échappé dans les années 1930, quand les astronomes, grâce à des horloges extrêmement précises, ont détecté que la Terre présentait dans sa rotation des irrégularités, qui sont de deux types. Vous avez des irrégularités qui sont dues aux marées océaniques, à cause des frottements. Bon, ça va encore. Mais surtout, alors, à l'Observatoire de Paris, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des à-coups dans la rotation, qui avaient des causes géophysiques et météorologiques. Et du coup, on s'est dit, on peut plus prendre un étalon de temps qui soit basé sur la rotation de la Terre. Voilà pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'invention des horloges atomiques, c'est Sébastien à ma gauche qui a pris le relais les transitions du césium et donc la physique. On va bien évidemment tout au long de cette heure évoquer cette évolution de la mesure du temps qui est passée de main en main des philosophes aux astronomes en passant par les physiciens. Mais une fois n'est pas coutume et parce qu'on prend aujourd'hui des libertés avec le temps, nous allons partir en reportage en ce début d'émission. Bonjour Loïc Dutoit. Bonjour Antoine Mochamp. La dernière fois que vous étiez à ce micro, vous aviez un boa sur les épaules. Aujourd'hui, c'est un tout autre programme puisque vous nous parlez des instruments pour mesurer le temps qui ont suivi une longue évolution depuis l'Antiquité afin de devenir plus fonctionnels et gagner en précision. Et justement, Loïc, vous avez pu observer cette évolution au Conservatoire National des Arts et Métiers. Exactement. Je suis allé rendre visite à Laurent Vavasseur, médiateur scientifique au CNAM. Ensemble, nous avons effectué un voyage temporel. Des cadrans solaires, clepsydres et sabliers qui rythmaient le temps à l'Antiquité, aux premières horloges marines qui ont permis de sauver des vies. En passant par l'invention révolutionnaire du balancier, nous avons marché tous les deux dans les traces de l'histoire de l'évolution des instruments de mesure du temps. Depuis l'Antiquité, on utilise un objet assez simple à l'origine qu'on appelle le gnomon, qui veut dire indicateur. En fait, c'est un bâton qu'on plante verticalement dans le sol et c'est l'ombre qui permet de découper le temps. Il y a un petit souci, c'est que la façon de planter le bâton n'est pas du tout anodine. Et donc, dans les cadrans solaires qui arrivent plus tard, on va incliner ce fameux petit bâton d'un angle qui correspond à la latitude. Et donc, maintenant, dans un cadran solaire, ça s'appelle un style. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si on le plante verticalement, les heures n'ont pas la même durée tout au cours de l'année. Donc ici, par exemple, nous voyons un cadran solaire avec un style de 49 degrés. C'est-à-dire que celui-ci est fait pour la latitude de Paris. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a été très créatif dans les formes de cadran solaire, parce qu'on voit ici un scaphé, par exemple, c'est une demi-sphère qui est creuse, avec le style qui est au milieu, ça permet d'avoir des ondes parallèles. C'est sans doute d'ailleurs un modèle assez ancien. Et puis on en a un ici qui est assez marrant, on voit en fait une petite loupe qui va projeter le rayon solaire sur un petit canon. Donc en fait dans le petit canon vous avez de la poudre, vous avez une mèche, donc tous les jours à midi à Paris on entendait un petit boom pour que les Parisiens remettent leur montre à l'heure solaire. Donc l'expression d'ailleurs midi pétante vient sans doute de là. Et dans l'Antiquité, on a aussi des instruments pour mesurer la durée ? Alors en fait, la seule chose qui donne vraiment l'heure solaire, c'est un cadran solaire. Après tout le reste, c'est ce qu'on appelle des garde-temps. On voit apparaître dès les Égyptiens la fameuse clepsydre, donc qui veut dire au cachet, au volet, hein, voleur d'eau, c'est un peu ça la signification. Donc la clepsydre, en fait, historique, c'est en gros comme un pot de fleurs. Hein. Le trou n'est pas au fond, mais sur le côté. Et c'est l'écoulement du fluide, en fait, qui va faire baisser le niveau dans le flacon du haut, qu'on peut graduer. C'était utilisé pour les temps de parole des avocats, par exemple. Dans la même idée, on a les sabliers, qui sont des clepsydres, mais qui utilisent du sable. Alors l'avantage majeur du sable, c'est que les variations de température ne perturbent pas du tout le sablier, alors qu'une clepsydre, on imagine bien, plus il fait chaud, en fait, plus l'eau est fluide, Elle peut geler, par exemple, l'hiver. Donc, c'est beaucoup de contraintes pour la clepsydre, alors que le SAM n'a pas toutes ces contraintes-là. Donc, la grande rupture, après, dans la mesure du temps, c'est l'apparition de l'horloge. Oui, la grande rupture, c'est l'apparition des horloges mécaniques. Alors, on peut les dater à peu près du XIVe siècle, mais ce sont des horloges essentiellement d'édifices, qui d'ailleurs ont une précision qui n'est pas extrême, puisqu'en fait, elles peuvent prendre une heure d'avance ou de retard par jour. Elles sont toujours remises à l'heure avec le soleil, en fait. C'est d'ailleurs, à l'origine, pas vraiment des horloges, c'est plutôt des réveils. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait sonner les cloches très régulièrement, bon, parce que c'est très lié aux prières, mais il n'y avait pas forcément de cadran, en fait, à l'origine. Et on voit apparaître, c'est un moment très très important, l'apparition du fameux pendule, ou du balancier, ça s'appelle une horloge, qu'on doit donc à un monsieur qui s'appelle Huygens, qui va faire fabriquer en fait une horloge, la première à balancier. Ces travaux enfin font suite aux travaux de Galilée, qui avait découvert cette propriété très importante du balancier ou du pendule, c'est que le temps qu'il met pour faire un aller-retour ne dépend pas de l'amplitude, bon en première approche, hein, ne dépend pas de l'amplitude, ne dépend pas de la masse, qu'on appelle une lentille hein, dans une horloge, mais ne dépend que de la longueur de la tige. Et donc en fait, le balancier a une période qui lui est propre. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'un pendule d'un mètre de haut à Paris, ça met une seconde pour faire un aller et une seconde pour faire un retour. Et donc quand on voit apparaître en 1657, en gros, le balancier dans les horloges, on augmente pratiquement d'un facteur 10 la pression des horloges. C'est-à-dire qu'une aiguille nouvelle peut arriver, qui est celle des minutes. Parce qu'avant, on ne peut pas approcher la minute du tout avec une horloge. Et après, il va y avoir aussi une invention pour pouvoir transporter ces horloges, faire en sorte qu'elles soient plus petites. Alors le balancier vertical, donc, c'est un système qui marche très bien. Mais évidemment, ça rend votre horloge totalement intransportable, parce que ça ne marche qu'en position verticale, il ne faut pas de vibration. Et donc, 25 ans plus tard, Huygens toujours, bon, avec d'autres, hein, va inventer le balancier horizontal, qu'on peut tout à fait voir ici. C'est lié, en fait, à un ressort spirale, qu'on retrouve dans le petit jouet ancien, les petites voitures qui avançaient toutes seules. Et donc, un ressort spirale qui est relié à un balancier horizontal. Donc, le balancier comprime le ressort. Quand le ressort se détend, il redonne de l'énergie au balancier. Donc, c'est la petite roue qui fait des allers-retours toute la journée. Donc, l'intérêt de ça, c'est que ça rend les horloges transportables. Elles sont aussi beaucoup plus petites. Et donc, à partir de 1675, on va résoudre enfin le problème d'un objet qu'on essaye de faire depuis très longtemps, que sont les montres, parce qu'on avait le problème de les rendre transportables. Parfait. Et après, on va aller même plus loin dans la transportabilité. De l'heure sur des bateaux, ça va aider beaucoup à la navigation. La quête en fait de l'horloger de marine est liée à un accident assez célèbre qui est arrivé en 1707. En fait, quatre navires anglais qui remontent le long des côtes atlantiques pour rentrer à leur port d'attache en fait en Angleterre vont s'échouer au niveau des îles Sorling. Ça va faire 2000 morts, ce qui va créer un émoi assez considérable. Et donc en Angleterre, ils vont créer la longitude Act avec l'idée de trouver un moyen de se positionner correctement en longitude. En France, on est en concurrence clairement avec les Anglais. Donc on va aussi créer des prix pour trouver ce moyen. Et la solution la plus féconde, en fait, c'est d'être capable de faire voyager des horloges. Et ici, on voit quelques horloges fabriquées par un Suisse, bon, qui n'était pas la Suisse à l'époque, mais qui était donc installé à Paris, qui s'appelle Ferdinand Berthoud. Alors les contraintes qu'on a en mer, c'est déjà le mouvement. C'est-à-dire que le bateau lié au roulis au tangage, et ces horloges-là ne supportent pas d'être trop remuées. Donc en fait, c'est assez simple, hein, on va les lester, double fixation à la cardan, ce qui fait que même si le bateau bouge, en fait, s'il gite tout ça, en fait, l'horloge est toujours verticale. Le souci majeur, c'est les variations de température qui peuvent être importantes lors d'un voyage. Et donc l'organe régulateur, c'est un balancier horizontal. Donc en fait, c'est la longueur du ressort métallique qui détermine le temps d'aller-retour. Et suivant la variation de température, le ressort s'allonge ou se contracte. Et donc, de fait, directement, le temps en fait n'est pas décompté de la même façon. Et donc, c'est pour ça que Berthoud a repris... Alors, on ne sait pas si Harrison, qui a gagné le prix en Angleterre, lui a montré son... On pense qu'il n'y a pas montré, mais il a réussi à lui voler son idée, qu'on appelle le grille de compensation. En fait, c'est deux métaux différents, acier et laiton, ce qui... plus tard, ça s'appellera des bilames. Et ça va compenser les variations de longueur du ressort. Quand il veut s'allonger, en fait, on l'empêche de s'allonger. Quand il se raccourcit, on tire dessus. Et quand on fait ça, en fait, on a enfin un positionnement correct. Alors, à partir de 1750, bon, un petit peu plus tard, mais voilà, les positions en longitude deviennent vraiment, vraiment plus cohérents. Time is on my side. Voilà le reportage de Loïc Dutoit au Conservatoire National des Arts et Métiers. On entend dans ce reportage, Sébastien Bise, on a fait une accélération finalement dans le temps de tous les instruments qu'on avait à disposition. Qu'est-ce qui dans les premiers instruments de mesure, donc les gnomons, les cadrans, les clepsydres, étaient utiles, mais finalement assez, voire très imparfaits pour mesurer le temps? Moi j'ai l'impression de ce qu'on retient de ce reportage, c'est qu'il y avait en fait le problème de l'interpolation et de l'extrapolation du temps pour certaines utilisations. C'est-à-dire la référence, c'était le mouvement de la Terre, mais on avait besoin d'avoir une meilleure résolution ou alors d'avoir l'information du temps quand on est en mouvement sur un bateau. Et donc, les horloges hydrauliques, le chronomètre de marine, je pense qu'ils sont dans cette logique-là de pouvoir découper le temps tout en gardant une définition fondamentale basée sur le mouvement de la Terre. Et je pense qu'on peut analyser la suite jusqu'aux horloges atomiques par le fait que les outils d'interpolation sont devenus tellement meilleurs qu'ils ont fini par permettre d'observer les irrégularités du mouvement de la Terre. Et là, on s'est dit, on peut faire mieux. Denis Savoie, une réaction à ce reportage au CNAM? Laurent Vavasseur du CNAM montre bien une chose, c'est qu'avant le 19e siècle, on n'a pas besoin de cette précision, quoi. La première fois que les gens sont confrontés à la minute, c'est avec le développement, c'est lors de la révolution industrielle, avec les chemins de fer. Avant, les gens ne connaissent pas la minute, ça sert à rien. Dans l'Antiquité, on vit avec le soleil et l'ombre du gnomon sans problème, d'autant plus que jusqu'au 15e siècle, faut bien noter que l'heure n'a pas la même définition qu'aujourd'hui, hein. On vit avec ce qu'on appelle l'heure antique ou heure temporaire, qui est la 12e partie de l'intervalle de temps compris entre le lever et le coucher du soleil. Ça veut dire qu'une heure en hiver, ça dure chez nous 40 minutes, et 80 minutes en été. Donc c'est une heure élastique en fonction du lieu et des saisons. Et c'est vraiment, Laurent Vavasseur le montre bien, c'est vraiment l'invention de l'horlogerie qui va faire qu'il y a une révolution dans la durée du temps. Au 14e siècle, on va adopter les heures égales de 60 minutes, parce qu'on imagine mal construire une horloge qui soit fonction du lieu et de la date. Donc il y a un lobby des horlogers de cette époque-là pour qu'on ait des heures égales. Mais comme il a souligné aussi, à cette époque-là, les premières horloges à folio ont des erreurs d'à peu près 40 minutes par jour. C'est énorme. Avec un pendule. C'est avant le pendule. En fait, si vous voulez, c'est un pendule, mais horizontal avec deux masselottes. Et c'est un poids qui fait que ce qui est le moteur de l'horloge. La vraie révolution, c'est Christian Huygens, qui travaille à Versailles avec Louis XIV, qui va inventer l'horloge à balancier et la cycloïde. Et là, on va tomber, comme l'a dit Sébastien, à la minute. Et du coup, c'est vraiment au début du 18e siècle en astronomie qu'on arrive par exemple à mesurer la durée de rotation de la Terre sur elle-même. C'est Flamsteed à l'observatoire de Greenwich. Avant le début du 18e siècle, impossible d'avoir la seconde avec une horloge, évidemment avec un cadran solaire, quoique il y ait des méridiennes qui soient quand même très précises. Véronique Lerue, une réaction à ce reportage, à cette diversité d'outils de mesure, mais qui, comme le rappelait à l'instant Denis Savoie, ne rendent pas compte du fait qu'aujourd'hui nous ne vivons pas le même temps, en tout cas nous ne mesurons pas le temps de la même façon que dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Je voudrais aussi insister sur le fait que depuis l'Antiquité jusqu'au XIVe siècle, on avait des heures à durée variable, hein, selon les saisons, tout simplement. Il y avait qu'aux équinoxes, finalement, qui avaient 12 heures égales le jour et 12 heures égales la nuit. Mais sinon, au solstice, il y avait la plus grande disparité entre les heures de nuit et les heures de jour. Et donc, c'était lié finalement aux besoins humains. Ce qui comptait, c'était de se lever et d'avoir 12 jalons dans la journée. Mais imaginez ce qu'a pu être la rupture pour les paysans du XIVe siècle de se dire le lever du soleil, c'est à 4h30 aujourd'hui. Le chant du coq, oui. Pour eux, ça a été une révolution. Enfin, c'était une voie vers l'abstraction qui était sidérante. Parce que le lever du soleil, jusque-là, c'était l'heure 1. La première heure. Et là, tout d'un coup, il y a une heure variable de lever du soleil. Donc c'est quelque chose de totalement... Et cette invention des horloges mécaniques au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, Véronique Lerue, il crée déjà une petite distinction entre le temps des villes et le temps des champs. Je crois que j'ai lu un extrait d'une chronique italienne qui disait que voilà, c'était un élément essentiel à la vie de la cité, cette horloge qui régulait déjà la vie sociale. Oui, alors il y avait une différence en effet entre la vie des champs et la vie des villes. Et puis aussi, selon qu'on est en Europe ou pas, et même en Europe, il y a eu des différences extrêmes entre les pays. C'est-à-dire que la division en 12 depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça a duré en Italie, je crois, jusqu'au 18e siècle dans certaines régions d'Italie. Donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup de résistance finalement à ce passage. On pose une journée qui commence à 0 heure, puis midi, puis minuit. C'est 24 heures. Là, il y a eu beaucoup de résistance à ça jusqu'au 18e siècle. Denis Savoie, finalement, l'horloge mécanique crée une espèce de temps linéaire, continu, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Ben, disons que c'est une nécessité aussi sociale. On ne peut pas imaginer une société organisée avec des heures de durée variable. Comme le dit Véronique, en plus, selon les pays, en Europe, en France notamment, on compte les heures depuis minuit, mais jusque fin 18e, début 19e, on a en Italie ce qu'on appelle les heures italiques, qu'on voit sur tous les cadrans solaires, et on compte les heures du lever au coucher du soleil, ce qui est beaucoup plus pratique. Parce que ce qu'intéresse les paysans dans les champs, c'est pas de savoir qu'il est midi. Ils s'en fichent que le soleil soit au méridien. Ce qui les intéresse, c'est combien il reste de temps avant le coucher du soleil pour les travaux. Et du coup, l'or italique a un certain usage, un peu comme les heures antiques sur les cadrans solaires dans l'Antiquité, qui étaient plutôt des cadrans de prestige. La précision était assez médiocre. Faut vraiment attendre la période arabo-perse pour qu'on mette le cadran solaire au service de l'islam pour la mesure précise des heures de prière. Mais en gros, on a une précision de l'ordre de quelques minutes, mais on arrive à presque la seconde, enfin la dizaine de secondes, avec les cadrans solaires à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe. Et pour en revenir à ces horloges mécaniques, en quoi est-ce qu'elles constituent aussi un tournant technique, quoi? Comment est-ce qu'on va réussir avec un objet à avoir un temps régulier? Quels sont les éléments essentiels à ces horloges mécaniques pour qu'elles fonctionnent et qu'elles nous donnent une heure à peu près correcte à partir du XIVe siècle? Alors, comme l'a dit Sébastien, au début, on a des horloges qui indiquent que l'heure. En plus, c'est un poids qui est le moteur. Donc, pour ralentir le poids, on a ce système de folio dont je vous ai parlé, qui va durer jusque dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et avec l'invention de Huygens, on va supprimer tous les folios. Il en reste très très peu. Alors, vous pouvez en voir un dans la cathédrale de Bourges. Et on va aussi construire les premières horloges planétaires. Et en fait, elles sont, ces horloges, des horloges de tours et d'églises. Mais ça reste des objets de prestige qui coûtent extrêmement cher. Et c'est le début de l'asservissement des hommes avec le temps. On s'en plaint déjà dans l'Antiquité, puisque les gens disent, avant, quand on avait faim, on mangeait quand on avait faim, et maintenant, on est obligé de manger quand c'est midi au cadran solaire. Donc, l'horloge va accentuer, si vous voulez, cette pression du temps dans la vie sociale, mais à partir du moment où vous développez les transports, ça devient une nécessité. Sébastien Bise, on voit bien là l'importance qu'a le temps dans la création et l'organisation d'une vie sociale. À partir du XVIIe siècle, il y a quand même accessoirement deux très grands noms de l'histoire des sciences qui se penchent sur cette question épineuse du temps, c'est Galilée et Newton. Quels vont être les apports déterminants de ces deux grands savants pour la conception et la mesure du temps? Ben, bon, je pense effectivement, c'est la mathématisation. Et une fois, peut-être ce que signifie la mathématisation, c'est qu'on se donne comme ambition ensuite d'étudier tout un tas de phénomènes naturels en fonction de la variable temps. Mais une fois qu'on a cette idée, la question se pose comment on peut créer une référence justement pour servir de base à toutes les observations, et quelle est la qualité de cette référence, parce que si la référence a des imperfections, du coup ça va biaiser les observations et les conclusions qu'on va en faire. Véronique Leroux, là il se passe un tournant épistémologique en matière de mesure du temps avec Galilée et Newton. Qu'est-ce que leur apport va révolutionner dans la conception et dans ce rapport qu'a l'humanité mais aussi la science au temps? Oui, il est vrai que le XVIIe siècle est un tournant par la mathématisation de la science du mouvement. Galilée fait du temps une variable mathématique totalement homogène à l'espace. Et donc, on commence à penser une réversibilité de l'espace et du temps. Rien que dans un tableau de mesure, on peut les mettre en abscisse ou en ordonnée, peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver la courbe de la trajectoire qui exprime la trajectoire du corps en mouvement. Et Newton y franchit un pas de plus, parce que non seulement donc il mathématise le temps et l'espace, mais il en fait des émanations de Dieu, des sensoria dei, c'est-à-dire des formes a priori dans lesquelles Dieu donne à voir l'univers. Je trouve que finalement, par ces conceptions métaphysiques du temps absolu et de l'espace absolu, il inverse le processus généalogique de construction du temps. Parce qu'au début, il a bien fallu repérer des processus uniformes pour trouver une unité étalon qui serve de comparaison, pour comparer les processus. Et puis, lui dit, le temps absolu fonde le temps ordinaire, vulgaire, des humains. Alors que c'est l'inverse. C'est progressivement qu'on a abstrait le temps pour en faire un temps mathématique absolu. Et après, il faudra attendre Einstein pour déconstruire totalement cette vision absolue du temps et de l'espace avec la théorie de la relativité. Et on y viendra bien sûr tout à l'heure. Denis Savoie, à l'instant, Véronique Leroux évoquait un terme important, c'est le terme d'unité, le terme d'étalon. On n'a pas encore parlé de ces unités de mesure, de la seconde, de la minute, de l'heure. Quand est-ce que tout ça a été formalisé? Est-ce que ça a été formalisé très tôt dans l'histoire de l'humanité, dans l'Antiquité? Ou bien est-ce qu'il a fallu du temps avant de se mettre d'accord sur ces unités-là? Alors en fait, le découpage du jour 24 heures est très ancien. Il remonte au moins au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il est dû aux Égyptiens. Et paradoxalement, c'est par la nécessité de mesurer l'heure la nuit qu'on va arriver à un découpage du jour en 2 fois 12 heures. Et cette durée du jour donc est d'origine égyptienne, mais le découpage en heures, minutes, secondes en base sexagésimale est babylonien. Vous voyez? Et dans l'Antiquité, d'emblée, on prend le soleil comme repère, la trajectoire de l'ombre, et on repère également très vite que le temps solaire, indiqué par les gnomons et les cadrans solaires, n'est pas un temps uniforme. Et les astronomes vont avoir ce besoin d'uniformité dans leurs équations, parce que, Sébastien le rappelait, les physiciens aujourd'hui utilisent un temps uniforme, mais les astronomes, dès le deuxième siècle de notre ère avec Ptolémée, ont des théories du mouvement du soleil, de la lune et des planètes, dans lesquelles le temps est la variable, ils sont dans l'obligation d'avoir un temps uniforme. Donc c'est dès l'Antiquité, on va dire au deuxième siècle de notre ère, mais certainement avant, que l'on a défini la durée du jour comme la 24, la 1 sur 86400e partie du jour solaire, parce qu'on a une journée de 24 heures. 24 heures, c'est une durée moyenne, c'est la durée du jour solaire moyen, qui a des inégalités et qui va être la référence en France jusqu'au début du 19e siècle. Mmh. Il va falloir attendre l'année, par exemple, 1826 pour que, en France, on instaure à Paris le temps solaire moyen, c'est-à-dire le temps solaire corrigé de ces inégalités qu'on appelle l'équation du temps. Donc, il y a vraiment que les astronomes qui ont besoin d'un temps uniforme. Les autres, ils s'en fichent complètement. Et pour beaucoup de gens dans les villes, le temps, c'est totalement abscon. En plus, on a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle heure il est et qui ne savent pas en quelle année ils sont. Là, on parle d'échelle de temps très petite. Il ne faut pas oublier qu'il y a une nécessité aussi de mesurer le temps avec les calendriers. Et par exemple, l'invention de l'anniversaire ou la date de naissance, même encore au XVe siècle, les gens sont totalement ignorants de quand ils sont nés. Donc, cette obsession de la précision du temps, elle est quand même elle est assez tardive. Elle est liée évidemment à la révolution industrielle et on en parlera tout à l'heure bien évidemment avec l'invention du train notamment et la nécessité de faire arriver les trains à l'heure dans un pays où par exemple comme entre Strasbourg et Brest l'heure solaire n'est pas la même, mais il y a quand même une nécessité pour éviter les accidents graves d'avoir à peu près la même heure. Si on en reste, Sébastien Bise, à cette question de l'unité temporelle, il y a une distinction peut-être un peu technique mais qui est intéressante à faire, c'est la distinction entre unité et étalon de mesure. Pourquoi est-ce que cette distinction-là est importante à faire? Je pense que l'unité, la définition d'une unité, elle a un caractère fondamental. Mais après, cette définition fondamentale, il faut en faire une réalisation qui peut être faite plus ou moins bien et qui peut être affectée par des imperfections, des fluctuations techniques ou fondamentales. Et donc, quand on rentre dans le concret de réaliser une unité, de réaliser une échelle de temps, par exemple, toute cette strate de choses concrètes entre en jeu au-delà de la pure définition de l'unité. Véronique Leroux, tout à l'heure Denis Savoie évoquait un terme important et en fait je me demande si on n'est pas en train de faire fausse route depuis le début. On parle de mesure du temps finalement, il parlait de durée. Est-ce que la mesure du temps n'est pas finalement plus, telle que nous en parlons depuis le début de cette émission, une mesure de la durée et que le temps en soi, plus on s'en approche, plus on s'en éloigne d'une certaine façon dans l'histoire de sa mesure? Alors, oui, je pense qu'on parle plus de repères dans la durée, mais le temps, qu'appelle-t-on le temps, hein, c'est toujours la question augustinienne. Moi, je ferai juste une remarque qui pourrait peut-être nous aider à nous rendre compte de la difficulté et de la variabilité aussi de conception du temps. C'est que les Chinois, il a fallu attendre de 1908... donc il y a quand même très peu de temps, pour que le terme temps apparaisse en chinois. Oui, ça c'est hyper important de rappeler que nous, on se place de notre point de vue de civilisation occidentale, ouais, avec cette histoire, voilà. Ça ne les empêchait pas d'être des hauts ingénieurs, oui, des très bons commerçants, d'avoir des très bons échanges partout. Et pourtant, il faut attendre 1908 parce que pour les Chinois, ce qui compte, ce sont les processus qui se déroulent. Et c'est très intéressant de savoir comment on traduit, enfin, ça passe d'abord par le japonais, et puis il y a un dictionnaire japonais-chinois en 1908 qui donne la traduction du temps comme entre moments. Mmh. Et l'espace, c'est entre vide. Mmh. Alors je pense que là, ça remet en quelque sorte les pendules à l'heure. Là, on est tous les trois, on a un vertige majeur à concevoir le temps. On est en syncope et en PLS. Nos neurones viennent de se décrocher. C'est aussi les Chinois qui, en ce sens, rejoindraient peut-être les Acadiens. Donc c'est un peuple de Mésopotamie, 3e millénaire jusqu'au 1er millénaire, avant notre ère, qui disent le passé est devant nous, et le futur est derrière nous. Alors, ça paraît complètement paradoxal, mais si on pense le cours d'un fleuve, d'aval en amont, effectivement, les eaux qui viennent, ce qui vient, c'est derrière. Les générations futures sont derrière nous et nous poussent vers la mort. Et ce qui s'en va, eh ben c'est ce qui est présent. Donc, c'est le passé qui est devant nous. Ça aurait été intéressant d'avoir une discussion entre Saint Augustin et un penseur chinois d'avant l'arrivée du temps dans la langue chinoise. Oui, je crois qu'ils auraient eu beaucoup de choses à se dire, notamment sur la disponibilité, l'attention aux appels sensibles du monde, tout cet univers taoïste, bouddhiste, mais qui n'était pas totalement étranger non plus à Augustin quand on lit de près les confessions. Denis Savoie, une réaction à ce que vient de dire Véronique? Non, Véronique a raison, on a une vision un peu occidentale, et pour aller dans son sens, il ne faut pas oublier que jusque dans la seconde moitié du 19e siècle, au Japon, on vit avec des horloges à heures inégales. C'est-à-dire qu'ils vivent encore, comme dans l'Antiquité, avec des heures dont la durée du jour varie selon le lieu et la date. Des horloges mécaniques en plus, hein. C'est vraiment à la fin du 19e siècle qu'ils vont adopter les heures égales. Donc ils ont une autre conception de nous, du temps. Je crois que c'est vraiment, nous on est vraiment en Occident obsédés par ce temps qui fuit. Il y a plein de devis d'ailleurs sur le temps, sur les cadrans solaires, sur les horloges. Il y a tout un lien philosophique et poétique qui nous est propre. Et l'analyse des civilisations babyloniennes aussi montre que c'était aussi différent. Et on a des attestations comme quoi on mesure des intervalles de temps chez les Babyloniens dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, avec des clepsydres par exemple. Mmh. Ils mesurent pas le temps, enfin ils mesurent avec des cadrans solaires, mais ils ont aussi des clepsydres pour la durée, pour mesurer un phénomène astronomique comme une éclipse de lune. Ça, c'est attesté. Mmh. Mais restez avec nous, parce qu'on va poursuivre dans un instant cette discussion vertigineuse autour de l'histoire de la mesure du temps. Ce sera juste après ça. All the Time par Pretty Inside dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure, mais qu'est-ce que c'est qu'une heure au fond de l'histoire de la mesure du temps? Et nous en parlons avec Véronique Leroux, professeure des universités en philosophie et directrice du département de philosophie de l'université de Reims. Autrice du livre Le Temps, la plus commune des fictions au PUF. Avec nous également Denis Savoie, historien des sciences à Universcience, chercheur associé au laboratoire système de référence temps espace, le CIRT. Et enfin avec nous Sébastien Bise, chercheur en métrologie au CNRS, membre également du laboratoire CIRT. Denis Savoie, on parlait tout à l'heure de l'importance qu'a eu la révolution industrielle dans la collectivisation du temps. Voilà, on peut peut-être rappeler un petit peu l'importance qu'a eu l'invention du temps finalement au 19e siècle et comment cette invention collective, économique, capitalistique, politique s'est réalisée. Alors il faut préciser que même s'il y a un développement de l'horlogerie, on règle toujours les horloges au XVIIIe siècle et au XIXe siècle sur des cadrans solaires. Il faut bien les remettre à l'heure. Même si elles sont précises, elles ont une petite dérive quand même. Et donc, on a des méridiennes. On peut en voir certaines à Paris, par exemple, à l'hôtel de la Monnaie. Ou dans l'Observatoire. Ou dans l'Observatoire de Paris, mais il est pas ouvert au public. Mmh. Ou à l'église Saint-Sulpice, où il y a un vestige d'une ancienne méridienne. Pas l'actuelle, hein, mais celle juste à côté. On vient régler son horloge et ça monte au cadran solaire. Et puis évidemment, on va adopter le temps solaire moyen, je l'ai dit, au début du 19e siècle, parce que à la fois le développement du chemin de fer, mais aussi de la poste, impose d'avoir un temps uniforme, le temps solaire de 24 heures, le temps solaire moyen. Il n'en reste pas moins que entre Strasbourg et Brest, il y a un problème de longitude. Parce que lorsqu'il est midi à Strasbourg, eh bien, il n'est que 11h10 à Brest, grosso modo. Eh oui, il y a 49 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, grosso modo, il y a un problème de longitude. Donc, au 19e siècle, se pose le douloureux problème à la fois d'adopter pour tout le territoire un temps solaire uniforme, moyen, dépouillé de ses inégalités, et d'avoir un temps ramené à un méridien de référence. Et évidemment, ce qui s'impose, c'est, à la fin du 19e siècle, un temps calé sur le méridien de Paris qui passe justement à l'Observatoire. Donc l'heure en France, en Algérie, en 1891, est définie par rapport au temps solaire moyen du méridien de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que là on parle d'un temps national, mais il y a aussi ce temps international qui se met en place. Alors comment est-ce qu'il se met en place, Denis Savoie, et par quel événement, on va dire, le monde se met les pendules à l'heure en même temps? Alors ce mouvement industriel affecte évidemment beaucoup de pays dans le monde, et il y a la nécessité d'avoir un temps uniforme pour tout le monde. Et donc en 1884, il y a une conférence internationale à Washington qui réunit tous les grands pays de l'époque industrialisés. Et il y a deux clans à l'époque, le clan anglo-américain qui milite pour l'adoption d'une heure rapportée au méridien de l'observatoire de Greenwich, et le clan français qui n'est pas très clair, qui a compris qu'on ne va pas adopter l'heure du méridien de Paris, bien que l'observatoire de Paris soit antérieur au méridien de Greenwich. Et du coup, il y a un deal entre les Français et les Anglo-Américains. Les Français disent, écoutez, si vous adoptez le système métrique, nous adopterons le méridien de Greenwich. Mmh. Là-dessus, les Anglais et les Américains disent banco. Les Français conçoivent rapidement qu'ils se sont fait avoir, pour employer une expression polie. Et du coup, ce n'est qu'en 1911 que la France va adopter officiellement le méridien de Greenwich comme origine des longitudes. Mmh. Le découpage, évidemment, des fuseaux horaires, qui date de 1884, mais comme les Français ont vraiment une haute opinion d'eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas être humiliés, ils vont dire dans le petit texte législatif qui définit l'heure, que l'heure en France, c'est l'heure du méridien de Paris, retardée de 9 minutes 21 secondes, ce qui est précisément la différence de longitude entre Paris et Greenwich. Mais l'honneur est sauf, on n'a pas prononcé le mot de Greenwich. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du début des années 1910. Au début des années 1910, la physique est révolutionnée par un certain Albert Einstein. Sébastien Bise, qu'est-ce que la notion d'espace-temps avec les théories de la relativité restreinte puis de la relativité générale d'Einstein vont avoir comme impact majeur sur notre conception du temps et sur sa mesure? Ben ça rompt l'idée qu'il y a un temps uniforme et valable partout tout le temps, comme pour servir de base à l'observation des phénomènes physiques. Et donc, ça impose d'avoir une notion relative du temps qui dépend de l'observateur. Et ce qui est magnifique dans la relativité d'Einstein, c'est de montrer que malgré cette relativité, on peut rendre compte de manière extrêmement cohérente, notamment de l'influence de la masse sur l'espace-temps. Mmh. Et de nos jours, grâce aux horloges, on y reviendra peut-être, on arrive à tester cette théorie de manière très très précise. Et par ailleurs, on a des utilisations des horloges au voisinage de la Terre, donc sous l'influence de l'effet de la masse de la Terre sur l'espace-temps, qui impose de prendre en compte ça de manière très précise. C'est un petit complète. Exemple qui est assez séduisant et assez intéressant. C'est qu'une horloge qui est au niveau de la mer n'aura pas le même calage finalement qu'une horloge qui sera posée au sommet d'une très haute montagne. Ça, comment on l'explique grâce à Einstein? Ben, on l'explique par l'influence du potentiel de gravitation sur la structure de l'espace-temps, avec en effet pour conséquence que deux horloges pourtant identiques mais dans des potentiels de gravitation différents, comparées à distance, semble avoir une différence. Mais cette différence n'est pas une influence sur l'horloge, c'est vraiment la structure de l'espace-temps sondée par l'horloge. Véronique Leroux, Einstein y met un coup de pied dans la fourmilière, et je crois que là il y a une scission qui s'opère en matière de mesure du temps entre philosophes et Einstein. Je crois même que le grand Bergson en personne était totalement opposé, ou en tout cas réfractaire à cette conception du temps, de cette conception de l'espace-temps d'Einstein. Mais c'est passé presque une répétition, parce que entre Newton et Leibniz, il y avait déjà eu une discussion sévère, puisque pour Leibniz, le temps c'était l'ordre des successions et l'espace l'ordre des coexistences. Il en faisait des notions complètement relatives à un situs, c'est-à-dire à un point de vue et du temps, et il comprenait pas qu'on puisse absolutiser le temps comme le faisait Newton. Et c'est passé à peu près la même chose entre un dialogue de sourds, en quelque sorte, entre Einstein et Bergson, qui lui soutenait qu'il y avait une réalité ontologique de la durée et qui n'admettait pas que on puisse considérer le temps et l'espace comme des notions relatives à un situs. Je voudrais ajouter que Einstein, il a eu une répercussion philosophique aussi extraordinaire dans le fait qu'il a non seulement déboulonné le temps absolu, l'espace absolu de Newton, ouais, mais aussi le référentiel absolu et donc la simultanéité absolue. Et à partir de là, il n'y avait plus de possibilité de prendre un point de vue astronomique du dessus, qui était en général représenté par Dieu. Hein, Dieu, c'était justement le point de vue du dessus, qui avait vu sur le référentiel absolu, sur le monde. Et Einstein, donc, eh bien, il donne un coup de pied dans toutes ces représentations métaphysiques traditionnelles, en disant, ben voilà, moi je vous propose un facteur de conversion des espaces en temps et des temps en espace, c'est la constante C. Hein, ou si je vous dis, Antoine Beauchamp, vous êtes à une seconde lumière de moi, ça veut dire que vous êtes à 300 000 kilomètres de moi. Et il dit aussi, enfin, on calcule ainsi que le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. Et à partir de là, on comprend que ce qu'on perçoit en même temps n'arrive pas en même temps. Parce qu'il y a toujours le décalage de la propagation de la lumière. Donc c'est aussi une révolution dans nos représentations de la perception, de la simultanéité. Ce n'est qu'à des échelles de lenteur qui sont les nôtres qu'on peut dire que la simultanéité existe. Mais autrement, ce qu'on perçoit en même temps n'arrive pas en même temps. Denis Savoy, est-ce qu'on peut dire que Einstein a réglé son compte au problème de la mesure du temps et qu'il a planté d'une certaine façon le dernier clou et est-ce qu'il a répondu vraiment à la question qui se posait, cette question de la mesure du temps qui était encore imprécise? Est-ce que lui, avec sa théorie, met tout le monde d'accord? Il va apporter un coup fatal, mais cette période charnière de découverte de la relativité au début du XXe siècle, dans la mesure du temps, c'est une époque fondamentale parce que les astronomes ont déjà pris un coup sur la tête quelques temps avant. Il se trouve qu'on va découvrir que les marées océaniques provoquent un ralentissement de la rotation de la Terre. Parce qu'on avait des tablettes babyloniennes qui remontent par exemple au 2e siècle avant Jésus-Christ qui nous disaient tel jour, telle heure, il y a eu une éclipse sur Babylone. Et quand on fait le calcul à l'envers, on dit oui, effectivement, il y a eu une éclipse totale, le soleil ce jour-là, mais elle passe pas du tout à Babylone. Elle passe à 2000 km à l'ouest. Au début, les astronomes ne comprennent pas. Et finalement, ils disent, mais on a supposé que entre le deuxième siècle de notre, avant notre ère et le 19e, le temps s'est écoulé de façon uniforme. Et là, certains commencent à émettre une hypothèse sur la non-uniformité de la rotation de la Terre. Ce qui va être attesté, c'est notamment grâce aux mentions d'éclipses babyloniennes qu'on va s'apercevoir que la Terre ralentit. Elle a ce qu'on appelle un ralentissement séculaire qui est très faible. Hein. C'est 1,7 millisecondes par siècle. Et du coup, quid d'un étalon qui a un ralentissement alors, ça tient encore la route. Et je voulais dire au début d'émission, ce qui est fatal, c'est avec l'augmentation de la précision des horloges, notamment les horloges à quartz, ça c'est une vraie révolution. Oui, parlons-en des horloges à quartz. Voilà. Parce que pour nous, c'est quelque chose de très commun, une montre à quartz. Mais alors, qu'est-ce que ça a d'important dans la conception d'une pendule ou d'une horloge ou d'une montre? Alors, c'est un oscillateur, encore une fois, mais là, ça permet d'atteindre une précision qui descend bien en dessous de la seconde. Et dans les années 1900-1930, on va comparer, on observe les étoiles à l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Berlin, et on s'aperçoit qu'il y a une accélération, un ralentissement entre deux passages d'une étoile au méridien et l'horloge. On dit, mais il y a un problème. Et c'est là qu'on comprend que la Terre tourne sur elle-même d'ouest en est, mais si vous avez des alizés qui vont dans l'autre sens, eh bien ça arrive finalement à ralentir la rotation de la Terre, et ça c'est imprévisible. À cela sont ajoutées des causes géophysiques dans le noyau, et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'Observatoire de Paris, au CIRT notamment, on mesure en permanence la rotation de la Terre, et du coup, la Terre était totalement abandonnée, au profit des physiciens, notamment grâce à Einstein, puisque grâce à Einstein notamment, on va construire les horloges atomiques dans les années 1950, et celles qui prennent la suite en 1967, mais c'est quand même grâce à eux qu'aujourd'hui on fait beaucoup d'astronomie, parce que le Galiléo, le GPS, c'est Einstein en l'air. Hein. Alors on y vient justement à ces horloges atomiques, qui sont votre spécialité, Sébastien Bise. En 1967, la Conférence Générale des Poids et Mesures définit... Alors, la seconde, finalement, n'est plus définie par rapport à l'année, mais par rapport à une propriété de la matière. Ce qui est assez intéressant. Et je cite le rapport de cette conférence parce que je trouve ça assez intéressant et assez drôle, même si le texte ne l'est pas. La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Alors là, on se perd un tout petit peu. Sébastien Bise, que vient faire l'atome dans tout ça? Que vient faire la matière dans la mesure du temps? Derrière cette définition, je pense qu'il faut d'abord dire que il y a la connaissance acquise des atomes, de leur structure énergétique avec des niveaux quantifiés et du fait que aux différences d'énergie dans les atomes, on peut associer une fréquence d'oscillation via la constante de Planck. Comme c'est extrêmement bien testé, on finit par avoir l'idée, et les théories fondamentales actuelles le supposent, que cette fréquence atomique est, sur le plan du principe, parfaitement stable et universelle. Bon, voilà, les atomes, ça ne vieillit pas, ça ne s'use pas. Mais ça reste une définition un peu abstraite. Donc, comme je disais, ensuite, il y a la mise en œuvre, et c'est là qu'on parle d'horloge atomique. L'horloge atomique, c'est l'art et la manière d'extraire cette information de l'atome pour avoir un signal périodique utile qu'on puisse utiliser. Mais je pense peut-être quelque chose qui est intéressant à noter par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que pour faire une référence de temps et marquer le temps, on garde vraiment le concept de se dire il y a un phénomène qui semble périodique et je le compte de manière régulière. C'était le cas pour la Terre, simplement on s'est aperçu qu'il y avait un défaut de périodicité. Mais cette logique continue à prévaloir. Oui, voilà. L'atome est plus petit, mais plus précis dans son mouvement finalement, et c'est pour ça que l'atome va devenir un repère. Voilà, et sa structure est liée à des phénomènes fondamentaux, alors que la Terre, bien évidemment, c'est un système extrêmement complexe. Alors comment on fabrique une horloge atomique? Parce que dit comme ça, on comprend, mais ça, comment on fabrique ces horloges qu'on a avec nous en studio à la radio, par exemple? Alors pour les horloges atomiques, donc on choisit l'atome et la transition parmi tout un tas de possibilités pour ses bonnes propriétés. Et puis ensuite, il faut trouver le moyen d'interroger cette transition. Donc avec une excitation extérieure, un champ électromagnétique extérieur, on l'applique à l'atome. et on mesure son effet. Mmh. Et quand l'effet est important ou maximal, c'est que la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence atomique idéalement non perturbée. Et du coup, ce signal, contrairement à l'atome, c'est pas un objet microscopique, c'est un signal macroscopique. Lui, on peut l'utiliser, le compter, et c'est ça qui sert de base pour d'un étalon de fréquence atomique passer à l'élaboration d'une échelle de temps. Et c'est ce qui va faire que ces horloges atomiques se dérèglent beaucoup moins que les horloges mécaniques. Je crois qu'il y a une marge d'erreur de 1 seconde sur la durée de l'univers qui est quand même âgée de 13,8 milliards d'années. Ça, c'est la toute dernière génération. Plutôt pas mal. Ces horloges atomiques, elles ne sont pas qu'une innovation technique pour l'innovation, elles ont un rôle concret sur la conception et la mesure du temps, Denis Savoie. C'est grâce aux horloges atomiques qu'on va créer le temps universel coordonné. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette norme UTC, comme on la lit par exemple dans nos mails, dans les adresses mails. Alors, en gros, si vous voulez, vous avez actuellement sur Terre 500 horloges atomiques qui définissent ce qu'on appelle le TAI, c'est-à-dire le temps atomique international. Pourquoi 500? Parce qu'on voudrait pas qu'il y ait... Alors d'abord, il peut y avoir une panne de courant, et puis vous ne voudrez pas qu'il y ait une nation qui s'approprie le temps à lui tout seul, vous voyez. Donc, on a quelque chose d'universel, et ce temps atomique est un temps parfaitement uniforme, comme vient de le dire Sébastien. Et lorsque l'on a défini en 1967 la seconde, avec le césium 133, les astronomes quand même étaient un peu dans les couloirs, en disant, on ne voudrait pas complètement abandonner la rotation de la Terre, et on a fait valoir qu'il fallait garder un lien avec la rotation de la Terre sur elle-même, que mesure là le temps universel. Et on s'est dit, oui, parce que les marins, ils font le point avec leur sextant, ils sont là du temps pur, il va y avoir une dérive, etc. Donc du coup, on a inventé UTC, c'est-à-dire que ce sont des horloges atomiques qui mesurent, qui donnent l'étalon de temps, mais on garde un lien avec la rotation en ajoutant périodiquement des secondes intercalaires. Ça donne le temps universel coordonné. Donc, quand mes collègues de l'Observatoire de Paris, du Service international de rotation de la Terre, voient que la Terre ralentit, ils annoncent au monde entier qu'on va rajouter une seconde pour rester en corrélation avec le temps atomique. Ça me semble toujours très amusant de dire, bon, on va rajouter une seconde intercalaire. Oui, mais alors, je pense qu'à terme, on va abandonner. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui militent, enfin des nations qui militent, des laboratoires, et puis l'informatique, ça pose un problème dans les systèmes de rajouter des secondes. Et du coup, je pense qu'à terme, on va abandonner purement et simplement UTC pour venir à un temps parfaitement uniforme, basé sur du TAI, ou une dérive du TAI, comme on l'a avec le GPS, ou le Galiléo, ou le Beidou chinois. Et du coup, on va perdre totalement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un lien astronomique avec la rotation de la Terre. On peut rappeler aussi que cette évolution de la mesure du temps de l'horloge atomique à l'horloge optique, qui est un petit peu l'héritière de l'horloge atomique, nous permet de nous repérer dans l'espace et permet au GPS de nous envoyer des informations sur nos positions. Mais tempus fugit, il est 16h57, l'heure file, le temps passe. Véronique Leroux, vous avez 25 secondes pour répondre à cette question hautement profonde. Est-ce que c'est le temps qui passe ou est-ce que c'est nous? C'est nous qui passons, bien sûr. Et j'ai une pensée émue aujourd'hui, puisque ça fait presque 100 ans, ça fait 99 ans exactement, que Proust est mort, à la recherche du temps perdu. Écoutez, France Culture consacre une année de podcast à Proust, donc vous nous permettez une transition toute trouvée. Merci en tout cas infiniment à tous les trois, Véronique Leroux, Denis Savoie, Sébastien Bise, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour nous parler de l'histoire de la mesure du temps. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Céline Nozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.